regarde sans rien dire. Tu es celle pour qui je respire. Je devrais me méfier de toi. Je sais qu'un jour tu partiras. Tant pis pour moi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ris quand je parle de toi. Tu rougis quand je parle de nous. Ton inconscience me fait frémir. Mais elle doit aussi me séduire. Tant pis pour moi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je profite un peu de toi. Au petit jour, je ne sais pas si ton amour sera bien là. Je m'assure que ton cœur est fidèle. Mais je sais qu'un beau jour tu agiteras tes ailes. N'aie pas peur, il nous reste encore mon hirondelle. Quelques jours de bonheur à vivre sous ce ciel. Tu dis non,